Alors, on va passer à l'intervenant suivant, qui est Serge, qui va vous parler des migrations internationales et du travail. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça marche le micro comme ça, vous m'entendez bien? Bon, voilà, comme ça je parle bien dans le micro. Bien, merci beaucoup à tous ceux qui prennent l'initiative de ces échanges et de ces débats. Merci à Mathilde de m'avoir contacté pour intervenir ici. Je suis très content, je suis un peu intimidé parce que c'est pas des conditions très habituelles, voilà, pour parler en pub, enfin voilà, dehors, etc. Donc après discussion avec Mathilde sur le thème que je pourrais développer avec vous, je sais pas, enfin j'espère qu'il vous apportera des choses, peut-être des choses que vous connaissez déjà. On a choisi, en y réfléchissant, un titre qui s'appelle « Migration transnationale et travail en Europe ». Et en y réfléchissant, je me suis rendu compte que ce titre posait quelques questions. D'abord sur l'importance du travail dans la migration, dans l'histoire et aujourd'hui en Europe, parce que c'est une question absolument centrale. Et deuxièmement, pourquoi choisir le mot « transnational » et pas « international » ? Parce qu'aujourd'hui, c'est un mot qui apparaît comme un très bon descripteur de ce qui se passe à l'échelle globale dans tous les pays du monde. C'est-à-dire que, enfin, je vais y revenir tout à l'heure, il y a quelque chose qui dépasse quand même les frontières de l'État-nation. Et pourtant, ces frontières-là, elles jouent extrêmement fort sur le statut, les droits et les conditions des travailleurs qui sont migrants. Alors d'abord, je commencerai par l'idée que le travailleur étranger, c'est une catégorie ancienne. Il faut se dire qu'on en parle depuis longtemps. Il y en a, voilà, l'histoire des pays européens, de certains pays européens, est faite en grande partie des travailleurs étrangers, que ce soit des travailleurs qui sont arrivés ou des travailleurs qui sont partis. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans la migration, c'est qu'on a finalement la connexion de deux marchés du travail distants et de conditions de travail et de droits et de salaires, etc., etc. Donc cette figure du travailleur immigré, elle a dominé pendant très longtemps dans des pays comme la France, comme l'Angleterre, comme la Belgique, comme l'Allemagne, etc. Et néanmoins, aujourd'hui, on a du mal à parler de travailleur immigré. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport aux années 60, par exemple. Et on parlerait plutôt de travailleurs migrants ou de travailleurs mobiles ou de travailleurs circulants. Et ça pose une question très ennuyeuse, enfin, c'est-à-dire une question qui est difficile à départager. C'est-à-dire pourquoi est-ce que on aurait des travailleurs migrants qui seraient en général des travailleurs sur des emplois subalternes, et de l'autre côté on a des travailleurs mobiles, c'est-à-dire en général des travailleurs très qualifiés qui sont considérés, voilà, comme des experts internationaux qui vont bouger. Donc ça ouvre une question délicate, c'est la question du mot mobilité. Le mot mobilité s'est imposé dans plein de champs, que ce soit en sciences politiques, en sociologie, en anthropologie, même en économie. C'est-à-dire qu'à partir de la fin des années 80, le mot mobile a du succès. Il a du succès dans deux sphères. La première sphère, c'est la sphère des chercheurs qui se rendent compte qu'effectivement les gens bougent et qu'ils dépassent complètement les vieilles catégories qu'on avait du travailleur immigré, déraciné, c'est-à-dire absent chez lui, présent ici, mais pas tout à fait présent parce que pas vraiment accueilli, qui ne se sent plus ni vraiment de là-bas, ni d'ici, et qui va se trouver dans cette espèce d'entre-deux, en général, avec un certain nombre de souffrances et de difficultés, celles qui ont été absolument merveilleusement étudiées par un grand sociologue qui s'appelait Abdelmalek Sayad, et que certains d'entre vous connaissent sans doute. Donc il y a vraiment très bien travaillé cette situation du travailleur immigré dans une situation avec pas mal de solitude, accueilli dans des foyers, hébergé dans des foyers de travailleurs immigrés, etc. Et à partir de la fin des années 80, même de la fin des années 70, en fait, les chercheurs se rendent compte que même ceux-là, c'est-à-dire ceux dont on a l'impression qu'ils sont ici déracinés, en fait, ils ont des connexions avec là-bas. C'est-à-dire qu'ils ont un pied ici, un pied là-bas. Et contrairement à ce qu'on a voulu croire, ces deux pieds dans deux pays distants, finalement, c'est quelque chose qui échappait au regard, on ne le voyait pas. Donc, à partir de ce moment-là, on s'est dit, finalement, c'est la mobilité qui compte. C'est-à-dire comment, à certains moments, dès qu'on peut, on revient au pays pour voir ses proches, pour investir de l'argent, pour acheter quelque chose, pour faire circuler des biens, pour agrandir la maison, je sais pas comment dire. On utilise son épargne pour améliorer le quotidien et surtout pour améliorer le statut et la position sociale du ménage, de la famille, de l'entourage. Et de l'autre côté, on se rend compte que beaucoup d'autres choses circulent. Par exemple, les informations. On envoie des cassettes avec des choses qu'on raconte, on envoie des textes, on envoie des lettres, on envoie des biens, c'est-à-dire qu'on va envoyer, je sais pas moi, des biens d'équipement électroménager, etc. On va envoyer de l'argent, évidemment, et se rend compte que ces transferts d'épargne et tout ce champ de mobilité va se mettre en place dès la fin des années 70. Et ça a été étudié notamment en France, je parle de la France, pour le cas des travailleurs tunisiens en France. Donc c'est un géographe qui s'appelait Gildas Simon et qui s'est rendu compte que ces travailleurs tunisiens en France, ils étaient dans un champ de mobilité. C'est-à-dire qu'il y avait énormément d'aller-retour entre les deux pays. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ce hiatus, c'est-à-dire cette façon de considérer le travailleur migrant et de l'autre part, de considérer sa mobilité. C'est-à-dire comme s'il y avait deux points de vue qui ne se rencontraient pas toujours. Troisième élément, aujourd'hui quand on parle de travailleurs migrants, on pense surtout à travailleurs sans papier. C'est-à-dire qu'on sait très bien que parmi ces travailleurs étrangers, il y a beaucoup de travailleurs qui sont dans des situations difficiles parce qu'ils n'ont pas obtenu de titre de séjour, ou en tout cas qu'ils l'ont perdu, ou qu'ils sont en train de l'attendre, ou qu'ils peut-être un jour l'auront, etc. Et ce travailleur sans papier, on sait qu'il a une place sur le marché du travail. Une place très importante, en fait, c'est-à-dire que dans un marché du travail de plus en plus flexible et concurrentiel, on sait très bien que certains secteurs ne marchent pas sans. Et inversement, ça a été un prétexte pour de nombreux discours politiques et médiatiques de dire « Oh là là, il faut se méfier, l'immigration clandestine, le travail au noir », voilà, avec une espèce de moralisation et une pénalisation finalement parfois compliquée. Troisième élément de contexte, on a la diaspora, ce qu'on appelle aujourd'hui la diaspora des connaissances. Alors ça, c'est un terme que les chercheurs, notamment en sciences politiques et en économie, utilisent en disant « Mais regardez, c'est formidable, il y a énormément de travailleurs qualifiés qui circulent dans le monde, qui vont faire leurs études à l'étranger ou qui vont les poursuivre à l'étranger et qui vont avoir des carrières transnationales. » C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir, avec un diplôme américain, s'installer au Canada ou inversement, avec un en tout cas, construire une trajectoire professionnelle qui est une trajectoire sur plusieurs pays et avoir une espèce de connaissance du monde en tant que travailleur globalisé. Au début, on parlait des migrations qualifiées, voire des migrations très qualifiées, et puis on a utilisé le mot diaspora des connaissances ou diaspora des compétences, et même certains montrent qu'il y a un mercato mondial des compétences, c'est-à-dire que les qualifiés qui viennent de pays, parfois de pays du Sud, c'est-à-dire de pays qu'on juge à première vue et de loin simplement comme étant des pays pauvres avec des systèmes d'éducation insuffisants, on se rend compte qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, et que dans beaucoup de pays de départ, on a eu quand même, avec le développementalisme depuis les indépendances ou dans d'autres pays de ce genre, une très grande progression de l'éducation et de l'accès à l'enseignement supérieur, et du coup une très très grande frustration des diplômés qui se rendaient compte qu'avec ces moyens, finalement une place sur un marché du travail qui était en général fermé pour des raisons qui relèvent plutôt de la politique, et avec des salaires insuffisants, une reconnaissance insuffisante. Donc cette question du mercato des connaissances mondiales, qui est un point de vue plutôt libéral sur la circulation des travailleurs, finalement, en fait, elle donne quelques éléments assez utiles pour penser les autres migrations et se rendre compte que la plupart des migrations de travail, c'est des migrations qui sont fondées sur la déqualification. C'est-à-dire que rares sont les migrants qui n'ont aucune qualification. C'est devenu très rare. Au contraire, ils ont été scolarisés, ils ont des diplômes, pas forcément très élevés, mais ils en ont. Et ils trouvent en migrant dans des pays soi-disant d'accueil des situations de travail qui sont inférieures à leurs compétences. C'est-à-dire qu'ils acceptent cette déqualification parce qu'ils ont guère le choix. Donc on peut se poser la question, premièrement, pourquoi un tel gâchis d'une certaine manière? Et deuxièmement, finalement, qu'est-ce que ça fait gagner à des systèmes économiques d'avoir des personnes un peu plus qualifiées que ce à quoi on les emploie et surtout plus flexibles, moins contestataires, moins emmerdants et à qui on va pouvoir faire des tâches qui sont parfois des tâches que d'autres n'accepteraient pas parce qu'ils connaissent leurs droits. Et donc ça, il faut vraiment que je précise ce qui va faire qu'on les accepte. Dernier point, je dirais que le débat est devenu un peu caricatural depuis l'utilisation, qui a eu énormément de retentissement, d'une opposition entre une migration soi-disant utile et une migration soi-disant choisie. J'ai pas besoin de revenir sur le contexte français de cette formule. Comme s'il y avait une migration utile, c'est-à-dire ce que l'auteur de cette citation a ensuite précisé comme migration économique, et subie. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Choisi ou subi, excusez-moi, je me suis trompé. Donc choisi économique et subi familial. Donc comme si la migration familiale était un poids, un coût, etc. Et de l'autre côté, la migration économique, quelque chose qu'il fallait finalement privilégier. Cette opposition, elle repose sur un malentendu. C'est-à-dire que premièrement, les migrations soi-disant familiales, en fait, ce sont simplement les migrations qui sont comptabilisées dans les entrées chaque année par des gens qui demandent un permis de séjour au titre de la famille, c'est-à-dire au titre du regroupement familial, qui est un droit fondamental, certes érodé mais toujours respecté, en imaginant que ces gens ne vont pas travailler. Or, dans la plupart des cas, c'est les gens qui finissent par travailler. Et deuxièmement, l'immigration économique, ben en fait, c'est pas les. Enfin, je vous rappelle que Nicolas Sarkozy avait dit à un moment, et c'était un point d'ouverture, il faudrait arriver à 50% d'immigration économique. Mais d'une certaine manière, Nicolas Sarkozy était plus ouvert d'esprit que beaucoup d'autres. C'est-à-dire, on va y arriver, mais bien sûr que non, on est bien en dessous de ça. Je ne sais plus exactement à combien de pourcentage on est, je veux pas le dire, mais les deux premières immigrations en France, c'est les étudiants et le regroupement familial pour l'instant. C'est en fait. Dans un système migratoire, il y a beaucoup d'autres choses que le travail. Et enfin, pour terminer, je dirais que la charnière historique, vous le savez, c'est la charnière de 1974, cette décision d'arriver à une immigration zéro. Et je vais y revenir tout à l'heure. Donc, peut-être qu'il faut maintenant que je passe à une espèce de chronologisation vraiment très très rapide et très schématique sur les situations passées, pour montrer que cette question du travail migrant, en fait, c'est une très très ancienne question, et ensuite pour revenir sur les situations actuelles. Donc les situations passées, je dirais que c'est difficile de savoir quand est-ce qu'elles commencent. Elles commencent avec la révolution industrielle, qui se met lentement en place au cours de la fin du 18e, début du 19e, on va dire. Et des pays comme la France, des pays comme je sais pas comment on peut appeler ça, les territoires qui composent aujourd'hui l'Allemagne, etc., ont finalement même pas besoin d'avoir recours à une migration étrangère, puisqu'il y a des entrées, et ces entrées sont en général des entrées transfrontalières, c'est-à-dire que les gens qui habitent à côté d'un autre pays ont parfois envie d'aller travailler de l'autre côté de la frontière, puisqu'il y a du travail, parfois il est mieux payé. Donc par exemple, dans le cas de la France, il ne faut pas oublier que les premiers immigrés, c'est des Belges, c'est des Allemands, c'est ceux-là qui constituent les travailleurs immigrés. Et on se rend compte que dès cette époque, se mettent en place des circulations transfrontalières. C'est-à-dire que cette idée d'aller faire une saison ou quelques mois de boulot dans l'autre pays et de revenir, c'est quelque chose qui s'est mis en place très tôt. Deuxième élément, même avant la Première Guerre mondiale, la migration des étudiants, des diplômés intellectuels et des artistes, c'est une vieille histoire. Et troisièmement, les entrepreneurs sont aussi des figures importantes, c'est-à-dire que l'histoire du commerce, par exemple l'histoire du commerce en France, c'est une histoire qui est très liée aux commerçants étrangers qui ont eu parfois la possibilité d'ouvrir leur commerce tranquillement. Parfois, on rencontrait, au contraire, des difficultés légales parce qu'on s'est dit, oh là là, dans les épisodes xénophobes, on n'est pas dans le premier de l'histoire de la France ni de l'histoire de l'Europe, on se disait, bon, bah, ils ont eu des difficultés, des tracasseries pour ouvrir leur commerce. Le tournant, évidemment, c'est la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on mentionne souvent, pour la Première Guerre mondiale et l'immigration, le fait qu'on a eu recours à des travailleurs coloniaux, à des soldats de l'empire colonial, des empires coloniaux, mais on a eu aussi des travailleurs. Donc, par exemple, c'est le cas des Chinois qu'on a fait venir, des minorités chinoises, par exemple, d'Indochine française, qui ont été importées en France, notamment pour faire tout le sale boulot, c'est-à-dire pour nettoyer les champs de bataille, des trucs comme ça, pour s'occuper des morts, etc. Et ça, ces travailleurs, ils sont encore très ignorés par la recherche et par le débat médiatique. Ensuite, deuxième étape, c'est l'après-première guerre mondiale. L'après-première guerre mondiale, en fait, c'est une période qui ressemble, où s'est mis en place un système qui est un système qui a duré très longtemps. C'est ce qu'on appelle les programmes d'appel de main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'un certain nombre de pays se sont lancés dans un appel systématique et organisé et rationnel de travailleurs étrangers pour la reconstruction d'une part, pour combler le manque de main-d'œuvre masculine d'autre part. Et ces programmes d'appel de main-d'œuvre, par exemple celui des Polonais en France pour travailler dans les mines dans le nord de la France ou dans l'industrie lourde, la sidérurgie en Lorraine, c'était un point très important. Deuxième élément, l'après-guerre, c'est-à-dire l'entre-deux-guerres, c'est une période où les réfugiés politiques sont très nombreux pour des raisons multiples, parce que dans beaucoup de pays, il y a des situations qui deviennent invivables. Et en particulier pour les Arméniens, par exemple, qui sont obligés de quitter la Turquie à partir de 1915-1916. Et les Grecs, par exemple, à partir du moment où ils sont chassés d'Anatolie au moment de la création de la Turquie. Énormément d'éléments qui font que des gens arrivent dans des villes comme Paris, dans des villes comme Londres, et en tant que réfugiés politiques, vont finalement devoir bosser pour vivre. Et il ne faut pas oublier que la question des réfugiés et de l'accueil insuffisant des réfugiés, c'est une très ancienne question, qu'il y a bien un moment où ces réfugiés, ils doivent vivre, donc ils travaillent dans des marchés du travail qui sont un peu à la marge, qui sont très flexibles, qui emploient des gens au noir, qui les font bosser beaucoup, etc. Donc par exemple, si on s'intéresse au Sentier, le quartier du Sentier à Paris, donc la confection, travailler la mode, enfin tous les métiers qui sont liés à la mode, et bien finalement, c'est des métiers qui sont pris en main par des étrangers qui sont arméniens, grecs, juifs d'Europe centrale, enfin des trucs, voilà, des systèmes productifs qui se mettent en place grâce aux étrangers qui arrivent. Je dirais dans un deuxième moment que la Deuxième Guerre mondiale est un moment très important puisque c'est un moment où, là pour le coup, la migration de travail forcé, elle se met en place. Elle est légale dans le système de la domination nazie sur l'Europe. C'est quelque chose qui a fonctionné, dont il ne faut jamais oublier que c'est un passé, c'est une mémoire. Mais je passerai plus vite là-dessus. Je dirais simplement qu'après la Seconde Guerre mondiale, on recommence, c'est-à-dire qu'on reprend les appels de main-d'œuvre à l'étranger. Et ces recrutements à l'étranger, ça devient massif à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que le miracle économique d'un certain nombre de pays européens, ce qu'on a appelé les Trente Glorieuses, ce qui est valable notamment pour l'Allemagne, a été rendu possible par l'arrivée de ces gens de l'étranger. Je parle de l'Allemagne parce que l'Allemagne s'est retrouvée dans une situation qui était un peu bizarre. C'était d'avoir plein d'Allemands, par millions, hein, qui arrivent des anciens territoires qui avaient été annexés, colonisés, etc. Mais pas seulement, ce sont les minorités allemandes qui sont présentes dans les pays de l'Est, en Russie, dans l'actuelle Roumanie, etc., Pologne, etc., qui étaient des anciennes minorités, qui avaient été appelées pour travailler, c'est-à-dire pour mettre en culture des terres qu'on a fait croire qu'elles étaient vierges, mais en fait elles étaient occupées par des gens qu'on voulait défavoriser, dans l'Empire russe notamment. Et on s'est dit, ah ben les paysans allemands pauvres, ce serait très bien qu'ils viennent cultiver des terres. Donc on a des villas germanophones en Roumanie ou ailleurs. Et évidemment, après la Seconde Guerre mondiale, par vengeance évidemment, ces Allemands sont chassés. Donc ils arrivent en Allemagne, très nombreux, et on sait, et les Allemands savent, et c'est pour ça que la décision d'Angela Merkel, elle se comprend, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu un afflux de réfugiés très important, il y a eu une croissance économique très forte. C'est-à-dire que oui, ça fait des travailleurs moins payés, ça fait des consommateurs, ça relance finalement la dynamique démographique et économique. Deuxième élément, je dirais que cet appel de main-d'œuvre, il a été systématisé pour certains secteurs, et c'est intéressant de se rendre compte qu'en fait, il a été plutôt décidé par les entreprises, qui se sont dit « il nous en faut absolument », et qu'il y avait une relative réticence de l'État, mais que finalement l'État leur a dit « bon, vous faites ce que vous voulez, vous allez recruter, ils auront des titres de séjour, ils auront voilà un certain nombre, ils vont entrer dans des cadres légaux ». Et ça, bon, on connaît très bien les villages kabyles où les recruteurs de Renault sont venus, etc. Donc ça, c'est une histoire bien connue. Mais il n'y a pas que l'automobile, il y a aussi la construction et il y a aussi l'agriculture. Et on a tendance à l'oublier un petit peu, l'agriculture, dans ce débat sur les travailleurs immigrés. J'en parle très rapidement pour dire qu'en France, c'est juste après la Seconde Guerre mondiale qu'on met en place ce qu'on appelle le système OMI, c'est-à-dire qui vient de l'Office des migrations internationales et qui est en fait un système de saisonniers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on critique beaucoup la question des travailleurs détachés au sein de l'Union européenne, mais en fait, la question des travailleurs saisonniers contraints au retour après la saison agricole, s'ils veulent revenir et bénéficier du même statut, en fait, c'est une espèce de pragmatisme, un utilitarisme migratoire qui est très ancien. Le fameux tournant de 1974, et c'est pour ça que pour moi c'est un point très important. Ce tournant de 1974, on l'a appelé le tournant de l'immigration zéro en France, en Angleterre, en Allemagne et en Belgique à peu près. C'est pas tout à fait les mêmes dates, les mêmes modalités. C'était simplement, c'est pas du tout une immigration zéro dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est dit, on va arrêter d'attribuer des permis de séjour à des nouveaux entrants qui demandent un permis de séjour au titre du travail. Oui, c'est simplement, on dit, on ne prend plus de nouveaux travailleurs étrangers en disant le chômage de masse est en train de toucher les Français, par exemple, la crise, etc. Donc on a un débat politique beaucoup plus fort, beaucoup plus tendu sur la question. Mais évidemment, cette immigration zéro, elle n'empêche pas du tout les entrées. Les entrées continuent très tranquillement, à un rythme assez stable d'ailleurs. Et les gens vont se reporter premièrement sur d'autres modalités d'obtention du permis de séjour, donc le regroupement familial par exemple. Et deuxièmement, vont se reporter sur d'autres pays. C'est-à-dire qu'après 1974, les gens qui ont envie de partir vers l'Europe, ils se rendent compte qu'ils peuvent aller en Italie. ils peuvent aller en Espagne et à partir des années 80, les pays d'Europe du Sud deviennent les principaux pays d'entrée. C'est-à-dire que ça devient les principaux pays d'immigration alors que c'était les pays d'émigration. Et ça se trouve bien, ce sont des économies qui sont dans une croissance très rapide parce qu'elles sortent de, voilà, pour l'Espagne d'un système très, vous le savez, comment dirais-je, voilà, dictatorial. Et de l'autre côté, l'Italie qui sort d'un relatif sous-développement par rapport aux autres pays européens et tous les deux sont dans une croissance très forte. Et cette croissance a été facilitée par ces travailleurs migrants qui ont des statuts en général précaires. Troisième conséquence de cette immigration zéro, c'est l'invention de ce qu'on a appelé la fabrique du sans-papier. Bah oui, les gens continuent à arriver, continuent à trouver du boulot, et sauf qu'ils n'ont plus de papier. Donc cette fabrique du sans-papier, elle a une histoire historique, elle a une origine historique tout à fait compréhensible. Cependant, les choses évoluent. C'est-à-dire que les effets de contexte vont compliquer l'évolution du marché du travail transnational, puisque d'un côté, on a la construction européenne qui s'avance, et surtout la construction d'un truc spécial dont on vous a parlé, l'espace Schengen. Cet espace Schengen, on le sait, on a dit c'est formidable, c'est une grande avancée pour les droits. Oui, c'est une grande avancée pour les droits, c'est-à-dire le droit à la mobilité internationale, mais c'est pas la mobilité internationale des personnes, c'est la mobilité internationale des travailleurs. C'était ça le principe dès l'origine, c'est-à-dire que c'est un principe qui est un principe économique dans le système libéral. Deuxième élément, on a des pays, les fameux pays d'Europe du Sud, qui se rendent compte qu'ils ont des stocks, enfin des je sais pas comment dirais-je, des centaines de milliers, et à partir d'un certain moment, millions ou un peu plus d'un million de travailleurs étrangers sans papier, se disent, il faut les régulariser. Et ce qui est intéressant dans les pays d'Europe du Sud, en tout cas je connais bien l'Italie, c'est que cette question des régularisations qui ont eu lieu à partir des années 90 et surtout 2000, elle a été portée essentiellement par le patronat. C'est-à-dire que ces petites entreprises qui font le tissu productif italien, qui employaient des étrangers en général sans papier, ont fait comprendre au gouvernement, et en particulier au gouvernement Berlusconi, le deuxième gouvernement Berlusconi au début des années 2000, qui a élaboré une loi cadre sur l'immigration qu'on appelle la loi Bossi-Fini. Donc deux ministres qui sont de deux partis d'extrême droite, donc qui avaient l'intention de faire une loi très xénophobe. Ce sont les syndicats patronaux qui ont dit mais ça va pas aller du tout. Vous êtes obligés de faciliter la présence de ces travailleurs parce que sinon nos petites entreprises, les districts industriels, la confection, l'agroalimentaire, toute cette activité italienne, nous on tient pas sans eux en fait. On a besoin d'eux. Pourquoi? Parce que ce sont des entreprises qui sont fondées sur la flexibilité du travail, c'est-à-dire que c'est des contrats à court terme en fonction des commandes. Et que les chômeurs du sud de l'Italie, de Sicile ou d'Épouille ou de Campanie, finalement, ce n'est plus intéressant pour eux de partir très loin, c'est-à-dire de partir dans le nord, dans le nord-est, pour 3 mois sans savoir ce que ça va devenir. Et que finalement, il n'y a que ces travailleurs étrangers qui ont pu être là et faire marcher le business. Donc ça, c'est un point très important. Et le troisième point, c'est que dans un certain nombre de pays, il y a des changements très forts dans les années 80-90. Donc évidemment, le premier gros changement, c'est la chute du... Enfin, je sais pas comment dire, ce qu'on appelle le changement de régime en Europe de l'Est, dans les anciens pays socialistes, qui ont fait voir une chose, c'est que vis-à-vis d'une situation qui n'était plus tenable, c'est-à-dire un chômage, la fermeture des usines, le non-versement des salaires, l'inflation qui commence, une politique de libéralisation très rapide et très violente, etc., etc., les gens se sont dit, il va falloir qu'on se débrouille. Donc, ils ont continué ce qu'ils avaient appris à faire pendant le système socialiste, c'est-à-dire du marché noir. Oui, le petit business, c'est-à-dire vendre et acheter des choses qu'on ne trouve pas dans l'autre pays. Parce qu'on sait très bien que le système avait fait que certains produits n'étaient pas disponibles dans d'autres pays. Vous connaissez l'histoire. Donc, ce qu'ils savaient faire, le marché noir, de l'autre côté de la frontière, c'est devenu, pendant une grande décennie, c'est devenu une activité florissante et tout à fait spectaculaire, c'est-à-dire qu'on avait des bazars, ce qu'on a appelé l'économie de bazar, et énormément de gens qui pouvaient en général être des gens qualifiés, voire très qualifiés, allaient vendre et acheter des petites choses, ce qu'on a appelé les commerçants à la valise, sur des marchés informels, jusqu'à l'Allemagne, jusqu'à la France, jusqu'à l'Italie, dans les Balkans, un peu partout. Et ça a donné lieu, et certains d'entre eux ont réussi, c'est-à-dire que certains d'entre eux ont réussi à devenir des commerçants en bonne et due forme, et on réussit dans l'import-export et on se sont mis à acheter des conteneurs en Chine et donc à développer dans ces pays une structure commerciale très florissante. Mais les autres, la plupart des autres, se sont plantés. C'est-à-dire que, en fait, c'était une activité assez risquée, puisqu'on pouvait se faire racketter par des polices, pas toujours. Enfin voilà, après la chute du mur, dans les pays de l'Est, le rapport à la police sur les routes, c'était comme... Moi, je l'ai fait, j'ai fait le voyage avec des Ukrainiens. Le nombre de fois où on est arrêté, où il faut verser un peu d'argent, etc. Deuxième problème, la fluctuation des cours. C'est-à-dire que vous pouvez acheter un truc, mais pof, soit il y a une inflation, soit il y a une chute, et vous revenez avec 0 francs, 0 centimes. Donc ceux qui se sont plantés, ils se sont dit, il faut qu'on fasse autre chose. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont vendre leur force de travail à l'étranger parce qu'il y a une demande très forte. Donc ça va être les travailleurs subalternes, notamment dans les pays du sud de l'Europe, mais pas seulement. Ces travailleurs subalternes, ça va être l'émergence d'abord de la construction. Donc sur tous les chantiers de construction, vous allez avoir des gens qui vont venir, soit faire une saison, soit rester, enchaîner les chantiers. Ça va être l'agriculture qui est absolument... vous le savez, l'agriculture connaît une érosion, c'est-à-dire qu'à cause de la grande distribution et de l'internationalisation des marchés, les prix sont de plus en plus bas. Enfin voilà, les prix sont très très fortement compressés, mais les agriculteurs qui sont quand même en général des pas très gros agriculteurs, en tout cas par exemple pour l'Italie, ils sont obligés d'économiser sur ce qui est flexible, à savoir le coût du travail. Sinon le reste, ils peuvent pas. Oui, la terre, les produits, etc. Donc en gros, le troisième secteur, pardon, c'est le travail domestique. C'est-à-dire qu'on est dans des situations où, comme dans tous les pays qui sont affectés par ce processus de néolibéralisation, il y a un recul de l'État-providence, donc un recul de la prise en charge d'un certain nombre de trucs familiaux liés à la santé, liés aux enfants, liés aux personnes âgées. Et c'est ce qu'on a appelé la privatisation de l'État-providence, c'est-à-dire que ça se reporte sur la sphère familiale et c'est pris en charge par les familles. Donc ces familles sont amenées à employer des travailleurs et surtout des travailleuses étrangères, souvent sans papier, à des tarifs très bas. Elles vont avoir des vies pas drôles du tout, c'est-à-dire qu'elles vont dormir soit dans une petite chambre qui ressemble plutôt à un placard chez l'employeur, ou alors elles vont finir par trouver des colocations, enfin elles vont entrer sur un marché immobilier un peu particulier, celui des étrangers sans papier. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces trois secteurs, qui ont été beaucoup recrutés dans tous les pays, on en parle moins en France, mais on en a beaucoup parlé dans les pays d'Europe du Sud, c'est ce qu'on appelle les emplois non délocalisables. C'est-à-dire que oui, bah oui, les vieux sont là, les enfants sont là, la terre elle est là, et la construction des maisons elle est ici. Donc, comme ils sont des non délocalisables, mais qu'on va avoir recours à des étrangers qui sont très flexibles, enfin voilà, qui sont soumis à une flexibilité très forte, on a parlé de délocalisation sur place. Donc ça, c'est Emmanuel Terret notamment qui a eu cette formule très efficace. Et cette délocalisation sur place, elle est appelée à continuer. Dernier élément là-dessus, vous avez un troisième effet de contexte. Cet effet de contexte, c'est les changements dans les pays de départ. C'est-à-dire que les pays de départ, que ce soit des pays du Sud, du Moyen-Orient, d'Asie, d'Amérique latine, ce sont des pays qui sont affectés par une transformation profonde. Et je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire en général, premièrement, un développement, c'est-à-dire que de fait, les économies s'améliorent, un certain nombre de gens arrivent à s'enrichir. D'autres s'appauvrissent parce qu'on sait très bien que ce développement, c'est un développement qui est tout simplement un reclassement social. Et les personnes qui se retrouvent déclassées, c'est-à-dire qu'ils voient que leurs voisins ou des gens qu'ils connaissent, qui sont dans les bons secteurs, c'est-à-dire les secteurs où on fait du business et qui s'enrichissent, eux, ils s'enrichissent pas. Ils se disent, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, en fait, la migration, de ce point de vue-là, la migration de travail, c'est un choix de repli. Il faut toujours imaginer que c'est un deuxième choix. C'est pas le commerce, c'est pas le business, on ne peut pas devenir très riche. Et deuxièmement, c'est des gens qui ont les moyens de partir. C'est-à-dire c'est des gens qui ont en général un peu de capital économique, parce que ça coûte cher, du capital social et du capital culturel. Ils ont, comme je vous l'ai dit, ils ont des qualifications. Et dans certains pays qui sont en termes politiques complètement bloqués, c'est-à-dire que cet enrichissement, c'est pas un enrichissement qui s'accompagne d'une redistribution, vont finalement être assez sioux, c'est-à-dire se dire, bon, mais en fait, c'est très très bien ces migrants parce qu'ils partent, ils envoient de l'argent, et dans certains pays, ça représente une part du PIB très importante. Donc, par exemple, à ce moment-là, on parle d'États diasporiques, c'est-à-dire des États qui lancent une politique diasporique pour favoriser les départs et encadrer le retour d'argent et les retours de compétences. Ces États diasporiques, l'exemple le plus frappant, c'est les Philippines. Les Philippines qui ont compris le truc, ils se sont dit, oui, c'est un pays pauvre qui a beaucoup de difficultés. Et donc, ils ont ouvert des diplômes de femmes de ménage globales, c'est-à-dire comment être femme de ménage dans les pays du Golfe, comment être femme de ménage au Liban, comment être femme de ménage aux États-Unis ou en Europe. et qui va exporter sa main-d'œuvre. Et en termes de politique économique, c'est une politique un peu particulière, mais qui a des effets sur les pays d'accueil, c'est-à-dire qu'effectivement, on a ce secteur économique extrêmement florissant et un travail qui reste, en termes de droits et d'évolution professionnelle, complètement bloqué. C'est-à-dire que sortir de la niche économique travailleurs domestiques, mais aussi travailleurs de l'agriculture, etc., c'est très difficile, même pour des gens qui sont diplômés. Donc, je ne sais plus où j'en suis exactement. Vous avez ensuite une rétroaction assez étonnante. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon terrain en Italie, je me suis rendu compte que les employeurs italiens, que ce soit les employeurs privés qui avaient une domestique roumaine, ukrainienne, polonaise ou autre, ou employeurs d'industrie, de petite industrie qui avaient des ouvriers, d'Afrique du Nord, soit d'Europe de l'Est, mais pour les Grecs, c'est pareil avec les Albanais, etc. Ils se disent à un moment, mais en fait, c'est pas mal chez eux. Les gens sont payés 50 ou 100 euros par mois. Ils sont sympas, on les connaît, on a confiance en eux. Et ils commencent à leur dire, bon ben, on va vous accompagner chez vous, ça a l'air sympa. Sans oublier qu'un certain nombre d'employeurs privés, c'est-à-dire dans des travailleuses domestiques, ont aussi, vous connaissez le rapport au domestique, c'est-à-dire que souvent, il y a, je sais pas moi, de la séduction, il y a une intimité qui se met en place, et vous avez un grand nombre de mariages mixtes qui se sont vus. Moi, quand j'ai fait mon terrain en Ukraine, c'était l'époque où les maris italiens des femmes ukrainiennes commençaient à venir avec elles. Et en gros, ils ont lancé des petits business. Alors, soit achat ou spéculation sur des appartements dans des pays où les prix montent, soit délocalisation ou en tout cas création de petites entreprises pour tirer parti de ce travail et de ce savoir-faire des pays d'émigration. Et ça, c'était tout à fait spectaculaire de voir que vous avez des espèces de maquiladoras, un peu comme le Mexique et États-Unis, mais à distance, et qui sont fondées sur la création, sur la confiance des liens qui se sont faits entre employeurs et employés dans des situations d'immigration. Pour conclure, je dirais que, en fait, on ne comprend cette question du travail transnational que si on s'intéresse aux causes de départ, comme je l'ai dit. Les causes de départ, c'est souvent la frustration plus que la pauvreté. C'est-à-dire que oui, vous avez des écarts de richesse, etc., de salaire, mais vous avez surtout des gens qui sont engagés dans une mobilité sociale grâce à une scolarisation, grâce à des diplômes, et qui voient d'autres gens s'enrichir dans des économies qui sont un peu particulières. Deuxièmement, le travail migratoire repose sur la déqualification. Ça, c'est vraiment le principe moteur. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont plus qualifiés qu'ils ne devraient pour des tâches subalternes. Troisièmement, on accepte ça parce qu'en fait, finalement, le projet migratoire, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher à la fois en termes économiques, mais aussi en termes symboliques. C'est-à-dire qu'on va être absent, on va devoir s'arranger pour que quand on n'est pas là, quelqu'un s'occupe soit de vos enfants, soit de vos vieux parents, soit du logement, soit de la pension du mari. Enfin, il y a tout un tas de choses qui font qu'on est obligé de préparer. On le prépare très longtemps, sa migration. On part très rarement sur un coup de tête. Et du coup, et de l'autre, on est obligé de s'arranger pour qu'on ait des liens de confiance aussi dans le pays de destination. Et je dirais qu'en gros, les premières années, celles où on est très précaire, voire complètement sans papier, celles où on est obligé d'accumuler de l'argent, de l'épargne, pour justifier finalement son projet aux yeux de ceux qui sont restés là-bas, ça donne une période que je vois comme une période d'apnée. C'est-à-dire qu'on est prêt à supporter beaucoup de choses. Et c'est seulement au bout de quelques années qu'on se dit « Ah oui, finalement, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place ». On va réfléchir à améliorer la situation. Et la deuxième conclusion que je voudrais tirer, c'est que, en fait, la politique de l'immigration zéro, on en est très vite revenu. Enfin, très vite, non, pas très vite, mais à partir de 2000, en gros, les pays de l'Union européenne et l'Union européenne a dit non, non, non. En fait, on a besoin de travailleurs qualifiés, etc. Vous connaissez la chanson. Mais en fait, cette décision de réouvrir les frontières à des nouveaux entrants pour le motif du travail, mais très sélectif. Vous savez qu'on parle de migration sélective, on parle de gestion, de management des migrations, etc. C'est surtout une façon de laisser la porte entrouverte. C'est-à-dire que la porte est globalement fermée. Vous arrivez dans des conditions épouvantables, vous êtes sans papier, vous travaillez dans des conditions difficiles. Néanmoins, la possibilité même qu'elle existe, le fait qu'elle existe, cette possibilité d'obtenir des papiers, fait que vous allez travailler d'arrache-pied, que vous allez payer vos cotisations, que vous allez payer vos impôts, que vous allez trouver des manières d'avoir des papiers. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que les travailleurs sans papiers sont ceux qui ont le plus de papiers dans leur sac. Ils en accumulent pour un jour être régularisés. Et que ce système assez utilitariste et qui ne dit pas toujours son nom, finalement, c'est un système qui marche. C'est-à-dire que le sans-papiers, le travailleur précaire, immigrant, c'est indispensable pour des économies qui sont soumises à des contraintes concurrentielles, flexibles, etc. Et donc, le deuxième élément, c'est quand on a des discours sur le soi-disant coût de l'immigration, On se rend compte qu'à chaque fois que des études économiques ont été faites pour évaluer ce fameux coût de l'immigration à la collectivité, je sais pas quoi, la sécurité sociale, les soins, etc., et bien en fait, le bilan, il est toujours positif. C'est-à-dire qu'une immigration de travail, quelle qu'elle soit, dans un pays, ça apporte au budget toujours de l'argent. Donc pour la France, on a un budget, voilà, on a un apport qui est positif, mais assez modéré. Et pour des pays comme l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, ça a été très, très, très, très positif. C'est-à-dire que les immigrés apportent beaucoup plus au budget de l'État qu'ils ne coûtent. Voilà, je crois que je vais m'arrêter ici. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des réactions? Bonjour. Comment comparer les détachés avec les saisonniers, les taxes patronales, c'est pareil? Est-ce que je prends d'autres questions avant? Oh là là, elle est pointue la question. Alors je dirais que non, parce que justement le système des travailleurs saisonniers, c'était des sur le droit du travail du pays de destination. Donc ce sont des employés, je sais pas comment dire, internes quoi. Et le système des travailleurs détachés, il est encore plus cynique d'une certaine manière, puisqu'il fait conserver le droit du travail et tout, voilà, la question des cotisations au pays de départ. Et je dirais qu'en fait, ce système des travailleurs détachés qui a été adopté, en gros, qui nous vient du traité de Lisbonne, en fait, c'est une sorte de copie. On s'est inspiré un peu du système des pays du Golfe. C'est-à-dire des pays du Golfe et ces fameuses agences de recrutement de travailleurs pour la construction, le travail domestique dans le monde indien ou est-asiatique. Finalement, c'est des agences de recrutement qui sont basées dans les pays de départ. Donc, la question du droit du travail, ça reste une question du pays de départ. C'est vraiment des travailleurs... de ce point de vue-là, qui sont des travailleurs, je sais pas comment on peut dire, qui sont dans une phase spatio-temporelle, quoi. Donc ces travailleurs détachés, c'est le cas. Oui, bonjour. Est-ce qu'on n'est pas en train actuellement de vivre un nouveau d'immigration avec l'immigration climatique et avec la dégradation du climat et donc tout simplement une amplification même de ces formes d'immigration qui vont peut-être aussi bouleverser le schéma que vous avez décrit avec lequel je suis parfaitement d'accord. Merci. Alors la question des ce qu'on appelle les réfugiés climatiques, c'est une question qui apparaît depuis qu'on a fait les projections à venir sur la montée des océans, sur l'aggravation des phénomènes climatiques dans un certain nombre de pays qui se trouvent être des pays qui sont déjà des pays de départ, notamment en Afrique ou en Asie. Et alors, ça a posé deux questions. La première question, c'est combien de personnes vont être touchées par ça? Donc je crois me souvenir qu'il y a 250 millions de personnes à la surface du globe qui vivent à une altitude de moins de 1 mètre. Oui, donc qui sont dans les littoraux très bas. Donc qui sont effectivement à moyen long terme menacés de devoir déménager. Deuxième élément que ça a fait jouer, c'est zut alors dans la convention de Genève, il n'y a pas la cause climatique pour reconnaître le statut de réfugié. Donc les militants des droits de l'homme et des droits des réfugiés ont dit ce qu'il faudrait, ce serait quand même introduire ça. Donc ça, c'est un travail qui a été fait. Et vous avez donc des projections de gens qui ont publié des choses dans beaucoup de médias et qui ont dit « Oh là là, en fait, ça veut dire que d'ici 2050 ou 2030, ça dépendait, on va avoir 60 millions de réfugiés climatiques qui vont arriver. » Donc voilà, on a une espèce d'émotion. Et en fait, cette émotion, je dirais que d'abord, elle ressemble à toutes les émotions de menace, de vague. « Oh là là, on va avoir une déferlante. » Quand le système socialiste s'est effondré, tout le monde a dit « On va avoir une déferlante de Polonais. » C'est vraiment un truc systématique et on n'a jamais de déferlante. C'est-à-dire qu'on a... des migrants nombreux que dans des très rares cas où vraiment c'est plus possible de vivre. Et donc en fait la vérité c'est que les gens qui sont menacés en question, c'est des gens, enfin la plupart des gens sont dans des pays qui sont dans des situations très économiquement très difficiles, par exemple au Bangladesh, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont vraiment très pauvres et dont le projet migratoire, enfin la possibilité de migrer, ça va pas être de prendre de partir vers l'Europe. Oui, ça c'est impossible. Donc ils vont partir vers les villes les plus proches qui sont plus loin de la mer. Donc en gros, il va y avoir un exode qu'on pourrait comparer plutôt à un exode rural, si on le compare à des choses passées, c'est, ça va être des migrations à courte distance. Parce que les gens qui partent à l'étranger, il faut quand même vraiment organiser son truc. Et tout le monde ne le fait pas. Et sinon, on aurait beaucoup plus de monde que ça. Et donc, ce que je pense, c'est que c'est une question qui a été surévaluée et qui est toujours surévaluée. On va avoir des arrivées importantes dans les pays occidentaux, par exemple. Moi, je ne pense pas. Ça va être plutôt des migrations importantes, mais à courte distance, au sein même des pays où ça se passe. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je voulais juste préciser que bon, c'est vrai que vous avez parlé de l'élévation du niveau de mer, mais il y a aussi tout le dérèglement climatique au niveau des cultures, au niveau de l'agriculture, et qui ne touche pas seulement les pays donc moins développés. Et ça, je parlais de l'immigration en général. Quand on voit ce qui vient de se passer au Canada, on ne peut pas exclure que ça s'étende un jour encore plus et qu'il y ait des immigrations dans les pays, y compris développés. Mais là, je vais avoir du mal à répondre précisément parce que j'en sais rien, c'est pas encore arrivé. Mais en termes de changements climatiques qui n'ont rien à voir avec la montée des océans, par exemple, la question de la désertification ou du surpâturage dans beaucoup de régions agricoles qui font que les gens ont besoin d'aller trouver des ressources ailleurs. En général, ceux qui souffrent des changements climatiques, c'est les petits agriculteurs, donc des gens qui ont très peu de capital et qui, encore une fois, ça va être plutôt des migrations campagne-ville qui vont avoir lieu. Je pense vraiment, de ce point de vue-là, que ceux qui souffrent le plus du changement climatique, c'est les petits agriculteurs dont on sait que ce sont eux les pauvres du monde. C'est-à-dire, quand on voit les statistiques de la pauvreté dans le monde, c'est les petits paysans qui sont les plus pauvres. Voilà. Moi, j'avais une question, j'en profite. On parle beaucoup aussi de la migration des médecins. Alors, eux, il n'y a pas une déqualification puisqu'ils restent médecins, mais par contre, ils sont vachement moins payés. Alors, la santé, oui. Je voulais parler de la santé, puis j'ai oublié. Parce que c'est aussi une vieille histoire, la santé. C'est-à-dire que ça existe depuis l'entre-deux. Enfin, ouais, on va dire après la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez... c'est un sujet très intéressant, les migrations liées au métier de la santé. Et en fait, c'est d'abord une migration des métiers subalternes de la santé. Oui, c'est les aides-soignants et les infirmières ou les infirmiers. Donc ça, l'Angleterre, par exemple, a été un pays pionnier dans le recrutement d'infirmières est-européennes. Et pour ce qui est des médecins, c'est un peu plus compliqué. Donc ça dépend des pays. Vous avez, là, pour le coup, ça va beaucoup dépendre de ce que j'ai évoqué tout à l'heure comme étant les fameuses diasporas des connaissances, des compétences et des personnes très qualifiées. Parce que de fait, les médecins, dans des pays où politiquement c'est un peu... incertains, voilà. C'est souvent les premiers à partir, oui, parce qu'ils ont les moyens. Ils sont en général, ils savent qu'ils peuvent faire leur carrière à l'étranger. Donc, on pense par exemple aux médecins iraniens, aux médecins d'un certain nombre de pays qui sont les premiers à avoir un regard à l'étranger. Deuxièmement, quand on s'intéresse aux médecins en France, donc là, vous avez une thèse récente qui s'est faite sur les blouses blanches, donc sur le fait qu'effectivement, vous avez beaucoup de médecins qui sont employés, comme tu l'as dit, avec des salaires bien inférieurs et surtout des statuts. Et ça, c'est surtout un problème de rapports sociaux à l'hôpital. Hein. C'est vous le savez, c'est des rapports sociaux qui sont assez hiérarchiques et difficiles. Donc, ils se retrouvent dans des situations vraiment, vraiment difficiles à vivre à l'hôpital. Et certains qui sont vraiment déqualifiés, c'est-à-dire qui vont faire des boulots d'aide-soignante parce que leur diplôme ne va pas être reconnu. Donc, on sait que le gros débat, c'est la question de la reconnaissance internationale des diplômes. Et ça, ce sont des rapports bilatéraux. C'est vraiment... entre un pays et un autre que ces reconnaissances juridiques des diplômes se fait. Mais je dirais, pour citer un autre exemple, que le lien entre médecin et diaspora, il se trouve que j'ai fait un peu de terrain au Kurdistan irakien, donc vous avez c'est encore la seule zone où on peut faire où les investisseurs peuvent trouver à faire, c'est-à-dire que l'Irak est dans une situation telle que voilà, bon. Et ce Kurdistan irakien a voulu se développer, se développe vraiment, et a besoin de médecins. Donc ils vont prendre des médecins de pays qui ne sont pas trop loin, et en particulier des médecins iraniens. Et ces médecins iraniens, ce qui est intéressant, c'est que d'une part, ils viennent d'Iran, mais ils viennent aussi de la diaspora iranienne, soit dans les pays du Golfe, soit aux États-Unis. C'est-à-dire que vous avez des Iraniens de Los Angeles qui sont appelés pour faire des opérations en série dans les cliniques qui sont en général construites par des médecins iraniens. Donc je dirais que la question des médecins, elle est extrêmement compliquée, je ne la connais pas très bien. Mais de fait, les médecins transnationaux, c'est un, un sujet tout à fait fascinant. Eh ben, merci beaucoup à toi, Serge.